fois que tu me voyais, tu débordais d'amour. Pas une journée ne se passait sans que tu me tournes autour. Ouais. J'étais triste, tu étais là quand j'allais bien aussi. Je pouvais toujours compter sur toi, de jour comme de nuit. Tu passais ton temps à me protéger comme moi je le faisais pour toi. C'est plein tout ce que l'on a pu partager lorsque nous étions sous le même toit. Maintenant tu es parti, je ne m'en remets pas. Et je peine à comprendre quand on me dit qu'il y en a d'autres comme toi. Non, je n'y arrive pas. Tu n'étais pour aucun animal. Donc dites-moi pourquoi j'ai si mal à ma jolie petite boule de poils. Pour moi tu étais l'idéal. Tu n'étais pour aucun animal. Donc dites-moi pourquoi j'ai si mal à ma jolie petite boule de poils. Pour moi tu étais l'idéal. Tu me manques, tu me manques. Oh oui, tu me manques. Tu me manques, tu me manques. Oh oui, tu me manques, tu me manques, tu me manques. Oh oui, tu me manques, tu me manques, tu me manques. Oh oui, tu me manques. On ne parlait pas la même langue, mais l'on se comprenait. Tu savais très bien te faire comprendre pour aller te promener. Pour ton bonheur, il te suffisait d'être à mes côtés. Ça me changeait des rapports humains, souvent intéressés. Depuis que tu n'es plus près de moi, je me sens comme abandonné. Comme si sur le bord de la route, tu m'avais laissé en plein été. Non, je n'ai jamais compris comment on pouvait faire cela. Tu faisais partie intégrante de ma famille, et la famille pour moi ne s'abandonne pas. Tu n'étais pour aucun animal. Donc dites-moi pourquoi j'ai si mal à ma jolie petite boule de poils. Pour moi tu étais l'idéal. Tu n'étais pour aucun animal. Donc dites-moi pourquoi j'ai si mal à ma jolie petite boule de poils. Pour moi tu étais l'idéal. Tu me manques, tu me manques. Oh oui tu me manques, tu me manques, tu me manques. Oh oui tu me manques, tu me manques, tu me manques. Oh oui tu me manques, tu me manques, tu me manques. Oh oui tu me manques. Remplace-le, c'est comme si tu perdais un membre de ta famille et que je te disais remplace-le. Tu vois bien que ce n'est pas possible. On m'a dit remplace-le. C'est comme si tu perdais un membre de ta famille et que je te disais remplace-le. Tu vois bien que ce n'est pas possible. Tu n'étais pour aucun animal. Donc dites-moi pourquoi j'ai si mal. Ma jolie petite boule de poils. Pour moi tu étais l'idée.